Deuxième partie. Luc Houbet et Marie-Claire Martin hèlent un taxi. Ce n'est vraiment pas nécessaire de prendre un taxi. Il y a une station de métro tout près. Vous voulez rire? J'ai un carnet de tickets. C'est tellement simple. Je déteste le métro. Les escaliers roulants, les portillons automatiques, le bruit des rames dans les tunnels. Vous exagérez. Les voitures de la ligne Vincennes-Neuilly et celles de la ligne Châtelet-Porte-des-Lilas ont des pneus en caoutchouc. Et puis, il faut changer. Précisément, c'est direct pour aller d'ici au Petit Palais. Croyez-moi, appelons un taxi. D'ailleurs, en voilà un. Taxi ! Taxi ! Où allez-vous ? Le Petit Palais, s'il vous plaît. L'exposition Cézanne, c'est bien au Petit Palais, n'est-ce pas ? C'est le bâtiment aux grandes fenêtres ? C'est ça. Le Petit Palais est presque tout en verre.